qu'on est à la plage. Sous cette chaleur, je suis en air. J'ai les coupicots tellement je suis. Maurice, j'ai du sable plein l'arrêt du cul. Ce soir, quand j'irai chez je lâcherai un bout d'un sablé. Avec mon beau string ficelle, je ferai de la mer en rondelle. Besoin de mon opinel pour faire de la mer dans rondelle.